Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Cette semaine dans La Connexion. Le iPhone est l'invention de l'année selon Time. Un clone de Hot Coffee dans Manhunt 2. Un string pour combattre la RIAA. Et un timbre-poste pour se brancher sur Internet. Tout ça et plus tout de suite. C'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça s'appelle La Connexion et je m'appelle Mathieu Plante. Pendant les deux prochaines heures, vous allez entendre parler des choses qui vous intéressent et des choses qui vous importent le plus. On va commencer par le fil jeux vidéo où, d'ailleurs, la PlayStation 3, la PlayStation 3 a une procédure de dédommagement par rapport à ça et les 7 ans de la PlayStation 2, 120 millions de dollars. Ça va être génial dans le fil jeux vidéo. Mais avant, voici une bonne vieille pièce des palmarès de Knock Knock Ginger. Leur album, c'est Based on a True Story. Et voici tout de suite Love Renee. Where to begin? The pages are few. The topic's so dense that I might start a new list of regrets the moment you get back to the car. One. Your grammar was weak. Two. Your spelling is shame. Three. The harmony shook with the jits there and then. Yet somehow they let you purchase a pen in any hue. Elsewhere. Slipknot Ginger avec Love Renee de leur album Based on a True Story ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À C'est fou 89.1 FM, c'est le fil jeux vidéo. On a parlé la semaine dernière que c'était le 7e anniversaire de la PlayStation 2. Donc Sony Computer Entertainment America a fièrement annoncé vendredi le 26 octobre 2006 que la PlayStation 2 venait de souffler ses 7 bougies. Hein? Les 7 dernières années, la PlayStation 2 est devenue la console la plus vendue de l'histoire. En effet, pas moins de 120 millions d'unités ont été vendues, entraînant dans son sillon plus de 1 milliard de jeux. SCA a profité de l'occasion pour annoncer un nouveau bundle PlayStation 2 de couleur Ceramic White. Il inclura une copie de SingStar Pop et deux microphones USB. Il va être en magasin au début du mois de novembre au prix de 150$. Les retardataires vont pouvoir aussi profiter d'une librairie de presque 1500 jeux. C'est bien pour une console, quand tu l'achètes comme ça, que tu l'as jamais eu avant, d'avoir 1500 jeux desquels choisir. L'article était sur Jeux Express. Selon GameCult.com maintenant, le site anglais MCV dit que Sony aurait dans ses cartons une nouvelle PlayStation 2, hein, prévue pour début 2008, un modèle compact qui devrait être proposé à 99$, soit 30$ de moins que le modèle actuel, et intégrerait directement l'alimentation dans la machine, contrairement à la PS2 Slim. Une nouvelle qui n'étonnera personne, dit l'article, vu la longévité exceptionnelle de la machine, mais on attendra tout de même un commentaire officiel avant de spéculer davantage. L'article date du vendredi 2 novembre. Toujours sur GameCult, Sony va faire un geste envers les acheteurs de PlayStation 3 qui ont payé leur machine peu de temps avant l'annonce de sa baisse de prix. Les clients qui ont acheté la console entre le 10 septembre et le 9 octobre vont pouvoir recevoir un jeu PS3 sélectionné parmi les nouveautés de la firme de cette fin d'année en contactant le service aux consommateurs et en fournissant quelques justificatifs. Donc, c'est gentil de la part de Sony, un peu comme Apple avait fait avec son iPhone. Sur jeuxvideo.com maintenant, cette semaine, Ken Toyoda de Nintendo Japon a annoncé que le constructeur n'assurerait désormais plus le support technique et la réparation de deux de ses produits phares, donc la NES et la Super NES. La cause de l'arrêt, c'est que les pièces de rechange sont tout simplement épuisées et Nintendo ne souhaite pas en fabriquer de nouvelles. Ayant véritablement marqué de leur empreinte les années 80 et 90, ces deux machines ont vu éclore de grandes séries de jeux vidéo telles que Super Mario ou Dragon Quest. Ken Toyoda précise néanmoins que les joueurs nostalgiques peuvent retrouver une grande partie des hits de Nintendo des années 80 et 90 via la console virtuelle de la Wii. Toujours sur jeuxvideo.com, Nintendo Australie se félicite d'avoir pu réunir très exactement 381 personnes et leur DS lors d'un événement qui s'est déroulé le 12 octobre à Parramatta. Ce record vient d'être homologué par le représentant officiel du Guinness Book qui a créé une nouvelle catégorie pour l'occasion. À signaler que la foule a été accueillie par d'autres titulaires de records tels Neil Fingleton, l'homme le plus grand du Royaume-Uni, et Anthony Kelly, celui qui a eu le temps de réaction, le plus rapide, oui. Donc voilà, des catégories de records, pourquoi pas. C'est le fil jeux vidéo pour l'instant, ou du moins la première partie. Regardons les consoles les plus vendues la semaine dernière au Japon selon Media Create. En cinquième place, c'est la PlayStation 2. En quatrième, la PlayStation 3. En troisième, c'est la Nintendo Wii. En deuxième, la PSP de Sony. Et en première place, avec 76 273 ventes, c'est la Nintendo DS. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou, 89.1 FM. C'est la deuxième fois que tu m'oublies au coin d'une rue, que tu t'enfuis, que je deviens laid. Les saisons passent, le monde se tasse, le peu qui excite t'attire l'image de vieux pain gonflé d'une vie. Une tranche de vie, un body que tu gardes en l'air et que tu sors pas, que tu gardes en l'air et que tu sors pas. Toutes les pilules dans petites bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient d'endormir ton cœur, qui oublient d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Un tour à l'hôpital, on va t'en prescrire. C'est la journée qui commence. Major B-Day, la pièce Les Mouches de leur album La Vie qui fit avec la tapisserie ici à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFOU 89.1 FM, pourquoi pas? Deuxième partie du fil jeux vidéo, les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. Commençons par un article de jeuxvideo.com qui parle d'une mise en garde contre les tricheurs sur Xbox Live Arcade. Certainement fatigué de voir les tricheurs parcourir le Xbox Live sans être vrai. Et votre console bannie sur Xbox Live. Voilà, donc espérons que les propos en fassent réfléchir quelques-uns parlant de tricheurs. Voilà. La situation actuelle d'Atari est loin d'être réjouissante et ne semble guère vouloir s'améliorer. En effet, après des problèmes survenus au sein de son conseil d'administration, voilà que la firme doit se battre afin de conserver l'une de ses franchises les plus prolifiques. On parle de Dragon Ball Z. Selon un document déposé à la Securities and Exchange Commission par Atari, celle-ci est présentement en conflit avec Funimation Productions concernant la populaire franchise créée par Akira Toriyama. Atari stipule qu'elle a les droits nécessaires afin de lancer sur le marché nord-américain des jeux basés sur cette série, selon deux ententes conclues avec Funimation Productions. Or, quelle ne fut pas sa surprise de recevoir plus tôt ce mois-ci un avis de Funimation Productions à l'effet qu'elle aurait brisé ses ententes. On parle du mois d'octobre. Funimation Productions clame désormais qu'Atari n'a plus les droits. Voilà. Afin de mettre en marché des jeux basés sur Dragon Ball Z, ce qu'Atari n'accepte pas, de sorte qu'elle a continué la mise en marché de ses jeux. Les deux firmes sont présentement en pourparlers afin de trouver une solution temporaire au conflit, ce qui leur permettrait d'avoir plus de temps pour trouver une solution définitive au problème. Il faut dire qu'Atari a toutes les raisons du monde de vouloir conserver la franchise Dragon Ball Z. En effet, cette dernière fut la série la plus prolifique pour Atari ces dernières années, ayant entre autres généré des revenus de 85 millions de dollars américains pour la compagnie lors de son année fiscale de 2005. Pauvre. Rockstar Games risque une fois de plus de subir les foudres de l'ESRB avec Manhunt 2. En effet, alors que la firme a dû revoir le contenu du jeu afin que ce dernier n'obtienne pas la cote Adults Only, voilà que des joueurs ont réussi à débloquer la version pour adultes dans la version PSP du jeu. Les coquins. Des joueurs ont ainsi pu débloquer le contenu censuré par Rockstar Games en suivant des procédures assez complexes. Afin de jouer à la version non censurée du jeu, les joueurs ont dû modifier leur console afin que celle-ci puisse lire le code crypté du jeu, copier les données du jeu de leur disque AMD, éditer les fichiers de configuration et lancer le jeu à partir de la barrette de mémoire de la PSP. Le processus a tout de même réussi et le SRB, l'Entertainment Software Ratings Board, risque de ne pas apprécier que ce contenu ait pu être accessible à certains joueurs, aussi malicieux soit-il. Cette affaire n'est pas sans rappeler le scandale du mode Hot Coffee de Grand Theft Auto San Andreas. Des joueurs avaient réussi au sein de ce jeu à débloquer des scènes sexuelles, ce qui avait forcé Rockstar Games à retirer le produit du marché afin de proposer une version modifiée où il n'était plus possible de débloquer ce contenu. Les deux derniers articles venaient de rgamers.com. Capcom a annoncé qu'un nouveau film Resident Evil serait en chantier pour une sortie en 2008. Apparemment, il ne s'agirait pas du quatrième volet de la saga avec Mila Jovovich, mais d'une toute nouvelle histoire, réalisée en partenariat avec Sony Pictures Entertainment Japan. Le film serait aussi en CG, donc graphique de synthèse, image de synthèse, graphique par ordinateur, comme vous voulez. Un peu comme Final Fantasy VII Advent Children. Le communiqué de presse ne précise pas si le film sortira d'abord au cinéma ou directement en DVD. C'est une histoire à suivre. L'article vient de jeuxvideo.com. Voilà qui fait le tour pour le fil jeux vidéo de cette semaine. Regardons un petit peu les jeux les plus vendus la semaine dernière. En fait, c'était la semaine du 22 au 28 octobre au Japon, selon Media Create via gpara.com. En cinquième position, on retrouve DS Bongaku Tenchu sur la DS. En quatrième, c'est Imabi Kizo sur la PlayStation 3. En troisième, c'est World Soccer Winning Eleven DS 2 sur la DS. En deuxième, c'est Artonelico Hill sur PlayStation 2. Et en première, le jeu le plus vendu pour la semaine du 22 au 28 octobre, c'était Final Fantasy Tactics Advance. Voilà. Prochaine pièce qu'on s'en va entendre ici à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89.fm. C'est Ohana de la formation Mother Mother. Leur album, c'est Touch Up et ça date des bons vieux palmarès d'antan. On se garde des fois. Ohana. Ohana. Ah, c'est fou, Ohana 89.fm. I'll be God today. Hold my head under the bed and breathe away. Slip my wrist and watch the blood evaporate. Being this godly can't be good for Anna. Save me, Anna, hear me. I'll thank God today. Ante up and play that God a poker game. Walk away with our little God's bad change. Blame this God, it can't be good for Anna. Save me, Anna. I'll fake God today. Hop up on a cloud and watch the world decay. Anna on my shoulders and we'll laugh away. Faking this God, it can't be good for Anna. Save me, Anna, hear me. Anna, baby, I'm not crazy. Oh, Anna, oh, Anna, oh, Anna, I'll be with you still. You are the angel that I couldn't get. Retour le fil informatique avec Apple qui met à jour ses MacBooks et des pirates qui s'attaquent à Apple avec un cheval de Troie. C'est à la connexion à C'est Fou 89.1 FM dans vos oreilles. La connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, le fil informatique, on va entre autres parler de Wikipédia de façon originale et de Walmart qui va distribuer des PC Linux. Mais avant, en musique, voici El Motor et Alineas dans les palmarès francophones de C'est Fou au 89.1 FM. Autant vous dire n'importe quoi que dire ce que vous savez déjà. Par une épidémie de verre, votre colonie de singes Motor avec Alinéa dans une émission où, tu sais, dans le fond, quoi qu'il arrive dans votre vie, tu sais, on est toujours là, la connexion pour vous divertir, vous renseigner, vous informer, vous faire rire des fois. On parle du fil informatique pour commencer, c'est pas tellement drôle, mais quand même. Les nouveaux MacBook d'Apple ont été annoncés le 1er novembre, jeudi dernier, et ils font désormais partie de la famille Santa Rosa, l'architecture d'Intel utilisant le processeur Intel Core 2 Duo. L'architecture Santa Rosa est la quatrième génération de la plateforme Centrino d'Intel. Lancée en mai dernier, Santa Rosa comporte, en plus de l'Intel Core 2 Duo, un bus frontal à 800 MHz, un adaptateur Wi-Fi 802.11n et un jeu de puce Intel Mobile 965 Express avec technologie graphique GMA X3100 d'Intel. Ça vous intéresse, hein? Je le savais. En théorie, les ordinateurs Santa Rosa devraient être plus rapides au démarrage et moins énergivores. Les MacBooks sont offerts sur le site web d'Apple en blanc et en noir à 2 ou à 2,2 GHz. Les trois modèles possèdent 1 GB de RAM et un disque dur allant de 80 à 160 GB pour 1 250 $, 1 450 ou 1 650. Petit détail, même si le dollar canadien vaut maintenant plus que le dollar américain, les MacBooks achetés au Canada coûtent toutefois 150 $ de plus que ceux chez les voisins du Sud. Évidemment, tous les nouveaux portables d'Apple sont livrés avec Leopard, la dernière version de Mac OS X. L'article vient de brancher vous. Même chose pour le prochain. Toujours au sujet d'Apple, avec la popularité grandissante des produits d'Apple, les pirates informatiques s'intéresseraient davantage à créer des logiciels malveillants afin de s'attaquer aux ordinateurs Mac qui préviennent différentes firmes de sécurité informatique. La nouvelle création des pirates se nomme osx.rsplug.a. J'aurais pu le dire en français, ça aurait été plus simple. Un cheval de Troie qui se trouve depuis quelques jours sur une série de sites pornographiques. En cliquant sur des photos ou des liens hypertextes pour voir certaines vidéos porno, l'utilisateur Mac se fait proposer de télécharger une nouvelle version du lecteur QuickTime. Une fois ouvert, le logiciel malveillant lui demande ensuite d'entrer son nom et son mot de passe afin de s'installer dans le système. Une fois l'ordinateur contaminé, l'internaute qui désire visiter certains sites populaires comme eBay ou PayPal est en fait dirigé vers des versions illégitimes de ces sites où il est invité à donner son numéro de carte de crédit ou d'autres informations personnelles. Le cheval de Troie dirige aussi ses victimes vers d'autres sites porno afin de générer des revenus publicitaires aux pirates. Apple recommande aux propriétaires de ses ordinateurs de faire attention au logiciel qu'ils téléchargent et en ne visitant que des sites de dignes de confiance. Voilà, dignes de confiance, ça existe. Le site web, allez voir, c'est lunechance.com. Le lien s'appelle « Les pirates s'attaquent à Apple avec un cheval de Troie ». De quoi faire jaser bien des gens sur les blogs sur le fait que les Macs ne sont pas à l'abri de tout. Mais bon, je me garde ces commentaires-là parce que bon, il n'y a rien à dire de plus. Le iPhone d'Apple est l'invention de l'année selon l'hebdomadaire américain Time. Oui, bien que l'équipe éditoriale du magazine concède que le iPhone a plusieurs défauts et que ses détracteurs sont nombreux, elle considère tout de même que le téléphone cellulaire d'Apple représente une importante révolution dans le domaine de la téléphonie mobile. L'hebdomadaire donne 5 raisons pour justifier son choix. On commence par le numéro 1, et là c'est très très superficiel, le iPhone est beau. Il est beau. L'équipe éditoriale du Time soutient qu'Apple est parmi les seules entreprises technologiques à porter une grande attention au design de ses produits, tout en s'assurant qu'ils soient faciles à utiliser. Numéro 2, l'écran tactile est bien conçu. Bien qu'Apple n'ait pas inventé les écrans tactiles, l'hebdomadaire soutient que l'entreprise californienne est l'une des premières compagnies à l'avoir si bien intégré dans un de ses produits. Numéro 3. Le iPhone est bon pour la concurrence. En négociant avec AT&T, Steve Jobs a réussi à lui imposer ses préférences pour la vente et la distribution du iPhone, alors que les autres fabricants de téléphones cellulaires se plient généralement aux exigences des opérateurs de téléphonie mobile, selon le Time. Maintenant, les autres fabricants auront de meilleurs arguments pour développer les produits qu'ils désirent. Numéro 4. Le iPhone est plus qu'un téléphone, c'est-à-dire une plateforme. Alors que la plupart des téléphones cellulaires disposent d'un système d'exploitation minimaliste, le iPhone comprend une version réduite du système qu'utilise Apple dans ses ordinateurs, ce qui rend le téléphone cellulaire beaucoup plus flexible que certains de ses rivaux. Et numéro 5, le iPhone n'est qu'à sa première génération. Le Time conclut son article en soulignant que le téléphone cellulaire d'Apple n'est qu'à sa première génération et qu'il évoluera probablement pour le mieux dans les prochaines années. L'équipe éditoriale donne en exemple la différence entre la première et la toute nouvelle génération des iPods qui sont passés d'un écran monochrome à un écran tactile en l'espace de 6 ans. Voilà, si vous voulez lire l'article du Time, passez par l'article de branchezvous.com qui s'appelle « iPhone, l'invention de l'année selon Time » sur le www.unechance.com qui est le site de l'émission au www.unechance.com. Oui! On parle de Wikipédia maintenant. Un professeur a trouvé une façon originale de raviver l'intérêt de ses étudiants pour les travaux de session. On a même fois parlé de la facilité avec laquelle les étudiants d'aujourd'hui peuvent plagier ou encore s'inspirer fortement de sources qu'ils trouvent sur Internet. Et bien, entre autres, Wikipédia. Consciente de ce problème et de la désinvolture avec laquelle les étudiants traitent habituellement leurs travaux de session, la professeure Martha Groom de l'Université de Washington Bothell a décidé de prendre le taureau par les cornes. Au lieu d'exiger de ses étudiants un travail de session traditionnel, elle leur a plutôt demandé de créer une entrée dans la célèbre encyclopédie collective. L'idée de départ était d'accroître la signification du travail. Martha Groom espérait que ses étudiants s'appliqueraient davantage à leur travail s'ils savaient que celui-ci avait le potentiel d'être lu par des millions de personnes et qu'il peut constituer une contribution réelle au savoir collectif plutôt que de terminer sa vie dans un bac à recyclage. Le concept a été bien reçu par pratiquement tous les étudiants, mais n'a pas enthousiasmé la collectivité de Wikipédia. Un des articles qui a été publié a été supprimé en moins de 24 heures. Quatre autres ont été supprimés après de longues discussions et quelques autres ont été fusionnés avec des entrées existantes. Martha Groom a d'ailleurs remarqué que certains des commentaires durant les discussions n'étaient pas très polis. Donc la source, c'est Ars Technica. L'article vient de branchez-vous.com. Et finalement, Linux, le système d'exploitation gratuit traditionnellement négligé par le marché des ordinateurs personnels et portables, pourrait bénéficier d'un solide coup de pouce du géant américain de la grande distribution Walmart Stores lors de la prochaine saison des fêtes de fin d'année. Le distributeur a commencé à prendre des commandes en ligne mercredi pour un ordinateur baptisé le Green GPC, fabriqué par le Taïwanais Evrex Inc., qui coûte 199$ et fonctionne avec Linux. Est-ce 200$? Wow! Cet ordinateur personnel sera disponible dans environ 600 magasins Walmart aux États-Unis ainsi qu'en ligne, selon Walmart. Un PC Evrex comparable équipé de Windows Vista Home Basic et d'une mémoire plus importante coûte 99$ de plus, ce soit 298$. Donc, c'est déjà un PC bas de gamme en tant que tel, on s'entend. Et en partie parce que le fabricant doit payer des droits à Microsoft pour l'utilisation de son logiciel. Ça, c'est la raison du 100$ de plus. Ces deux modèles d'ordinateurs sont commercialisés avec un clavier, une souris et des haut-parleurs, mais sans écran. J'imagine que le tout est extrêmement cheap. 300$. PC, ben, en même temps, sans l'écran, l'écran est quand même une partie. Alors, en tout cas, je sais pas. Linux est développé et actualisé volontairement et gratuitement par des particuliers et des sociétés dans le monde sur une base open source, ce qui signifie que l'accès au code du logiciel est libre. Ce logiciel d'exploitation est très répandu parmi les ordinateurs serveurs, mais ne représente qu'environ 1% du marché des PC, très loin derrière Windows et l'OS X de Apple. Linux, voilà, très bonne petite bête quand même qui vaut la peine d'être apprivoisée. Top 15 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième position, ça monte, c'est accéder. En quatrième, ça monte aussi, c'est occupation double. Le reste est tout à fait stable. En troisième, c'est Hotmail. En deuxième, c'est les packs. Et en première, c'est Horoscope. En musique, à l'instant même, à l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, voici la formation Johnny 5. Et je cours, vous écoutez le 89.1 FM, la radio la plus impressionnante. Come on! De les voir défiler contre ma volonté. J'ai quand je cours. 5 et je cours dans le vide des fois. Leur album s'appelle Jolly 5 aussi. C'est tellement beau à voir. On était en plein cœur du fil informatique. C'est la deuxième partie. On commence par le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada, qui a indiqué qu'Internet pourrait éventuellement être réglementé. Selon Michel Harpin, vice-président de la radiodiffusion du CRTC, l'organisme fédéral aurait créé une division de recherche et de développement stratégique dans le but d'étudier Internet. Cette division aurait par ailleurs commandé plusieurs études qui sont prévues pour mars 2008. Dans le cadre de ces recherches, des enquêtes auraient également été faites un peu partout autour du globe. Après la diffusion des résultats, des audiences publiques seront tenues sur le sujet. Trois questions y seront posées. On se demandera premièrement si on devrait réglementer Internet. Si la réponse est positive, on s'interrogera sur les moyens à prendre et enfin on se questionnera sur les effets d'une telle réglementation. Rappelons qu'en 1999, le CRTC avait refusé de réglementer Internet à la demande de l'ADISC et de l'APFTQ, l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec. Le CRTC est un organisme indépendant responsable de réglementer les réseaux de radiodiffusion et de télécommunications du Canada. Cet organisme n'est cependant pas souverain totalement. Il rend compte de ses activités et directives à la ministre du Patrimoine. L'article vient de la presse via branchez-vous.com. L'utilisation d'Internet à des fins éducatives a modifié les habitudes des Canadiens. Les résultats de l'enquête menée par Statistique Canada en 2005 indiquent également que les besoins diffèrent selon que ces derniers vivent en région urbaine ou rurale. Selon les données publiées mardi dernier, 26% des adultes au Canada, soit environ 6,4 millions de personnes, ont utilisé Internet en 2005 pour l'éducation, la formation ou le travail scolaire, ça c'est 26%. Près de 80% de tous les étudiants à temps plein et à temps partiel ont utilisé Internet de cette façon. La forme la plus répandue d'utilisation à des fins éducatives était la recherche d'informations pour des projets ou pour la résolution de problèmes. Les habitants des villes étaient plus susceptibles que ceux des campagnes et des petites villes de recourir à Internet pour l'éducation, la formation et le travail scolaire. Toutefois, les utilisateurs d'Internet des régions plus éloignées avaient plus de chances de recourir à Internet pour l'éducation à distance, l'apprentissage autodirigé ou les cours par correspondance. Le téléapprentissage par voie électronique pourrait apporter une solution à un certain nombre de problèmes d'accès aux établissements postsecondaires pour les jeunes vivant dans les régions plus éloignées. Un peu plus du quart des usagers d'Internet à des fins éducatives, soit 26%, s'adonnaient à l'éducation à distance, à l'apprentissage autodirigé ou aux études par correspondance. L'article vient de la presse canadienne. Oh, selon Radio-Canada et le Carnet Techno, une perte majeure pour la blogosphère québécoise. Oh, Dominique Arpin de TVA, vous avez peut-être vu ça sur Internet cette semaine en allant le lire même. Donc, Dominique Arpin vient officiellement de ranger son clavier. Il met fin à son blog DOA. Après un an et demi de présence quotidienne sur Internet, le très influent carnetier de Québécois met un terme à sa carrière de blogueur pour se consacrer entièrement à son émission de télévision Vlog. Dans un message affiché vendredi dernier, Dominique explique que, et je cite, « L'émission me demande un temps fou depuis le mois d'août, et chaque fois que je m'installais devant mon ordi pour vous écrire, je ne pouvais faire autrement que de me demander si ce temps ne serait pas mieux investi dans Vlog. » Fin de la citation. Et il ajoute à son commentaire que ceux qui fréquentent la communauté Vlog d'Espace Canoë et la fiche Vlog de Facebook auront peut-être la chance de le lire à l'occasion. Et bonne nouvelle pour le moment, les archives de son blog demeureront en ligne. Avec le départ de Dominique Arpin, il ne reste que Philippe Schnob et sa collègue Sophie-Hélène Leboeuf qui patrouillent sur le web au quotidien pour un grand média électronique. C'est les seuls qui parlent du web, donc. Et oui, ben non, pas moyen d'écrire un blog pendant que tu fais une émission de télé, voyons donc. C'est bien trop difficile. Quand même, hein? Il y a un commentaire de Marc Lessard en bas de l'article qui dit « Eh oui, pas de temps et de moyens, que va-t-on faire quand Bruno va prendre sa retraite d'ici 5 à 20 ans? Qui va le remplacer dans les blogs francophones au Québec? Ils se font rares avec 1 million sur le web au Québec. » Blablabla. En tout cas, donc, je sais pas, là, regarde, sérieusement, faire un blog, là, ça. Moi, en tout cas, moi, j'ai abandonné, donc j'ai pas mon mot à dire là-dedans parce qu'un blog, moi, je trouve que c'est difficile à tenir parce que j'ai rien à dire. Mais Dominique Arpin, c'est, tu sais, je veux dire, en tout cas, je sais pas, je suis pas sûr d'être si... contre ce qu'il a fait ou pour ce qu'il a fait, mais il me semble que tu aurais pu garder ton blog ouvert puis juste taper moins souvent dedans. T'sais. Mais bon, c'est son choix, c'est son droit, je le respecte là-dedans. L'heure est à l'ouverture pour les grands réseaux sociaux américains. Quelques mois après Facebook et quelques semaines après MySpace, la presse américaine rapporte que Google devrait très prochainement dévoiler Open Social, une plateforme de widgets et autres web services ouverte aux développeurs d'applications tierces. Les créations indexées par Open Social pourront être utilisées avec l'ensemble des réseaux sociaux qui l'acceptent. On parle de LinkedIn, i5, Friendster, Ning et Orkut, propriété de Google, qui figuraient au nombre des premiers partenaires, mais des éditeurs comme Salesforce ou Oracle pourraient également en tirer parti. Une réponse à Microsoft, peut-être, qui vient d'investir 250 millions de dollars ou 1,6% du réseau social qui monte Facebook. La popularité de ce service initialement destiné aux lycéens, aux collégiens, aux étudiants américains vient de son ouverture et de la possibilité offerte à tous et chacun, professionnels ou amateurs, de mettre au point des applications pouvant être intégrées à Facebook. Face à ce succès, MySpace vient récemment de décider de suivre la même stratégie. Avec Open Social, Google espère sans doute se positionner comme l'intermédiaire incontournable entre l'éditeur d'un réseau social et la communauté des développeurs. En fonction du nombre de ses partenaires, la firme pourrait toucher jusqu'à 100 millions d'utilisateurs potentiels, ce qui porterait sans doute un coup à la collaboration publicitaire, mais surtout technologique, établie entre Microsoft et Facebook. Reste maintenant à déterminer la position d'une société telle que Yahoo, qui pourrait décider de se rapprocher de Google, de Microsoft ou tout simplement de MySpace, afin de constituer un solide troisième pôle pour attirer les développeurs d'applications. Voilà, c'est un article qui vient de Clibic.com. Même chose pour le prochain. Une fois de plus, la photographie sera mise au service de la peinture. De la même façon que cette fresque du 16e siècle qui a été photographiée dans les moindres détails l'an dernier, la célèbre scène de Léonard de Vinci s'est à son tour prêtée au jeu de la copie numérique. Visible sur Internet depuis samedi dernier, cette peinture qui représente le dernier repas du Christ se chiffre aujourd'hui en milliards de pixels. On parle de 16 milliards de pixels. Cette version numérique a fait appel à des techniques étudiées pour protéger la fresque des dommages de la lumière. La scène a en effet bien vieilli, dit l'article, au point que la peinture est à présent craquelée de toutes parts et est très fragilisée. Le mérite de cette sauvegarde revient à l'entreprise HAL 9000, spécialisée dans la photographie d'art, et à l'Institut central de restauration qui ont développé un éclairage sans ultraviolet et sans émission de chaleur. La prise de vue proprement dite a été réalisée au moyen d'un réflexe numérique Nikon D2X en 9 heures de temps. L'impact total de l'opération a été estimé comme équivalent à celui d'une poignée de minutes sous l'éclairage ambiant habituel. Il a fallu ensuite assembler les 1677 clichés en vue de reconstituer la fresque dans son intégralité. Pour ce faire, les équipes ont utilisé une machine composée de deux processeurs quadricœurs d'AMD, 16 GB de mémoire et un disque de 2 Teraoctets. Malgré l'excitation ressentie devant la prouesse technologique, le responsable d'HAL 9000 se dit bien conscient qu'une image numérique ne peut pas se substituer à une observation réelle de l'œuvre. Mais toutefois, à défaut de pouvoir faire le déplacement, nous vous invitons à découvrir la fresque dans ses plus fins détails sur le aftadefinition.com. Allez voir l'article qui s'appelle « Le dernier repas du Christ » s'affiche sur vos écrans sur le site de l'émission au www.unechance.com. Voilà qui fait le tour du fil informatique pour cette semaine. Regardons un petit peu les mots-clés qui ont été les plus cherchés. Aujourd'hui même, le 5 novembre, sur Google Ad Trends, je cherche comme toujours des mots qui pourraient être connus par un public québécois. Regardons ça. Tiens, Prince Charles est en 81e position. On retrouve Google Phone en 52e position. On retrouve aussi l'acteur de différents films, Shia LaBeouf, en 58e position. Marathon Lance Armstrong est en 59e. On retrouve... pourquoi pas Marathon Katie Holmes en 10e ou encore Journaux d'Indianapolis en 2e et Suicide d'un animateur de nouvelles en première position. C'est un petit peu plus triste. Et puis voilà, plein d'autres choses super intéressantes. Le jour des élections est en 75e. Tiens, je l'ai vu comme ça du coin de mon œil. Ça, c'est Google Ad Trends, les mots-clés qui ont gagné le plus de terrain en ce moment même, en fait, qui sont les plus populaires en ce moment sur Google Ad Trends. Tout de suite, en musique, voici une pièce de la trame sonore du film Dan in Real Life qui ne sortira pas à Trois-Rivières, j'ai entendu dire. La musique est par Sonnerie Lerky. Tout de suite, voici To Be Surprised. À la connexion, à C'est Fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. state. Obvious observations everybody makes, but baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The weight of the world and the hurt and the dirt can make you disturb. But I heard when I wrap my arms around, so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The weight of the world and the hurt and the dirt. Sandré Lerky avec To Be Surprised. Et pour terminer cette première heure de l'émission, sans entendre la continuité, la suite et presque la fin de notre série en concert Relics of the Shozo, Super Metroid Musical Collaboration. On est rendu à la partie numéro 17 de 19. Celle-ci s'appelle Perceived by Cold Intelligence Mother Brain de Putricity and Zico. C'est la fin de la première heure. On s'en va entendre les nouvelles de Radio-Canada tantôt. Et dans la deuxième, on va parler de cybercriminalité, de délits informatiques, de technologie et de Mac OS X.5 Leopard. Et Caroline sera avec moi pour en parler. Je serai toujours ici pendant la deuxième heure de la connexion. Ouh, assez fou, 89.1. FM. cette première heure de la continuité, rendre la presque la fin. Connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Je m'appelle Caroline Cloutier, alias Peach, c'est ça, hein? Oui, Peach, on a dit des Peach. Peach, voilà. Et en fait, je suis un peu rouillée, parce que ça fait deux semaines que je suis pas venue à la connexion, donc je m'excuse à tous ceux qui ont ma jolie voix la semaine dernière. J'aime ça que le retour de tes compliments envers toi-même, oui, c'est oui. Très flatteuse, très imbue de ma personne, mais je trouve ça très drôle. tu flattes ta pêche dans le sens des poils. Voilà, et c'est très c'est doux. Donc, dans cette deuxième heure de la connexion, on va parler entre autres de cybercriminalité, de technologie et de macOS 10.5 Leopard. Et Caroline va nous parler un petit peu de Zelda. Phantom Hourglass, un jeu que j'ai eu la chance de jouer. En fait, c'est environ une semaine que je joue. Je suis rendue à la moitié du jeu, donc je vous dirai ce que j'en pense à date. Ça va être génial, mais pour l'instant, on continue notre série en concert. On est rendu à la 18e partie de la série Relics of the Chozo, a Super Metroid Musical Collaboration. Et la 18 est par Protricity. Voici Escaping Retribution à la connexion à CIFU 89.1 FM. Protricity avec une pièce qui se nomme Escaping Retribution Escape. C'est l'avant-dernière pièce de la série en concert Relics of the Chozo, a Super Metroid Musical Collaboration, une collaboration musicale qui se veut une trame sonore remixée, si on veut. Oui, c'est ça, de Super Metroid ou Super Nintendo. C'est pour marquer un peu la sortie de Metroid Prime 3 Corruption. Et la musique que vous entendez en arrière, c'est le bloc cybercrime. Youpi! Youpi! Parlons de choses, de délits d'informatique, de choses illégales, de choses croches. Ça passe cette semaine, ça te va? Oui, des choses faites par des méchants. Des méchants pas fins. Des méchants techno-internautes. Et tous ceux du même genre. Je te laisse continuer. Trois petits points, OK, vas-y. Tous les moyens sont bons pour parvenir à payer des frais de 222 000 $. À la fin de son procès, Jamie Thomas, on a parlé d'elle tellement souvent à la connexion. Oui, je me rappelle. Elle s'est vue présenter une facture de 222 000 $ pour avoir téléchargé et offert en téléchargement 24 fichiers MP3. Le verdict de culpabilité n'avait rien d'étonnant pour ceux qui ont suivi le procès. Et bien, par contre, le montant très élevé qu'elle doit payer en a surpris plus d'un, Jamie la première. Dès l'annonce de la sentence, un groupe de supporters a mis sur pied le site freejamie.com afin de l'aider à ramasser la somme. Jusqu'à présent, le site a réussi à ramasser plus de 16 500 $, une somme impressionnante mais insuffisante. C'est pourquoi les mêmes supporters ont également ouvert une boutique en ligne où vous pouvez vous procurer toutes sortes d'articles arborant la mention Free Jamie. Évidemment, n'espérez pas réaliser des aubaines dans ce site. Si le cœur vous en dit, vous pouvez habiller toute la famille, même votre chien. Mais puisque les profits seront utilisés pour payer les frais de dépenses de Jamie et de ses redevances à la RIAA, les articles sont vendus à un prix élevé. Il vous en coûtera 17,50 $ pour affubler votre animal préféré d'un chandail et le string coûte 10 $ le string Free Jamie. Pas un string pour chien. Dis-moi quel genre de personnes tu crois qui vont aller acheter ces items-là. Moi, je me vois vraiment pas aller sur le site acheter un string Free Jamie. Non, mais... À part sa famille, là, qui irait acheter des articles comme ça? Ben, je dirais des gens qui veulent aider à cause de Jamie Thomas qui doit 222 000 pour 24 MP3. Oui, mais... Pour aider la cause, pour la bonne cause. Oui, pour aider la cause, OK, mais je veux dire, tant qu'à ça, à la place de payer 20$ pour aider la fille qui doit de l'argent, ouais. Prends ton 20$ et va acheter toi-même un CD, tu vas aussi aider ouais, la cause. Ouais, mais c'est comme dire, tu sais, c'est comme dire, t'arrives devant un kiosque pour, je sais pas, le cancer du sein, puis tu dis, ah, ben, je prendrai pas un chocolat, je vais aller m'acheter une Oreo, ça fait le même job, tu sais. Non, ça aide l'industrie du chocolat. C'est pas le but de la chose. C'est pas pareil. C'est pas comparer le concert du sein. C'est pas pour aider la cause des CD vendus. C'est pas pour aider l'industrie du disque que tu veux faire ça. Tu veux aider Jamie Thomas qui s'est facturer un montant exorbitant mais pour rien. Mais elle s'est fait facturer ce montant-là à cause qu'elle n'avait pas acheté de disque. En tout cas, c'est mon opinion. Mais moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de l'acheter un item Free Jamie. Tant qu'à ça, tu trouves pas ça outrant que 222 000 $? Oui, absolument. Ouais. Mais tant qu'à ça, j'aimerais mieux une sorte de levée de fonds plutôt que d'acheter un string ou un chandail. Ouais. Je vois pas l'intérêt d'acheter les articles. C'est vraiment juste ça mon point, c'est les articles en tant que tel. Je suis d'accord, mais le but est le même. L'argent va quand même au même endroit que si on faisait une levée de fonds. Donc. Mm-hmm. OK. Mais je vois ton point de vue. Prochain sujet. Des gens du populaire site suédois de poste à poste, ce qu'on appelle le peer-to-peer de Pirate Bay, travaillent actuellement sur un nouveau protocole d'échange de fichiers destiné à remplacer BitTorrent. Et pourquoi travailler sur un tel projet? Parce que la société BitTorrent a décidé dernièrement de ne pas publier le code source de la nouvelle version de son client. TPB de Pirate Bay semble n'avoir pas trop été content de ce choix. TPB affirme aussi qu'il y a trop de polyposteurs et d'organisations anti-piratage sur BitTorrent. Voilà pourquoi ce site aurait créé un tel projet. Répondant par le nom de Secure P2P, ce projet devrait voir le jour au début de l'année prochaine. La nouvelle extension, au lieu de s'appeler .torrent, va se nommer .p2p et sera rétro-compatible avec les anciens fichiers, avec les anciens logiciels, j'imagine, c'est ce que ça veut dire. Au titre des améliorations, on notera que le tracker sera capable de gérer plus de données et de connexions pour accroître les vitesses. On remarquera également un système de confidentialité des échanges. Pour l'instant, Mininova, l'un des plus gros sites de P2P, est déjà prêt à supporter le projet. Bonne nouvelle. Parce que là, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le logiciel BitTorrent version 6.0, dans le fond, est un petit peu plus fermé, si on voudrait, sur son code source. Donc, aussi bien partir quelque chose de nouveau sur un nouveau code source pour être plus ouvert aux gens et aux modifications et aux redistributions. Voilà. Merci de cette explication. C'est ce que je comprends par l'article. Je pourrais avoir tort. Ça m'arrive assez fréquemment et je me le fais dire. C'est dans ces termes, oui. C'est en ces termes, Wikipédia pas coupable, pas responsable, qu'on pourrait résumer l'ordonnance de référé. Wow, je déteste les articles de Cubic.com, je les comprends jamais. Que l'on peut résumer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris en début de semaine dans une affaire opposant des particuliers à la fondation Wikimedia, qui est propriétaire de Wikipédia. Trois particuliers avaient en effet poursuivi l'organisation à but non lucratif pour atteinte à la vie privée et diffamation suite à l'affichage de leur orientation sexuelle sur un des articles du site. Demandant 68 000 euros de dommages et d'intérêts, les plaignants ont été déboutés, la justice française estimant que Wikipédia n'a pas à assumer les mêmes responsabilités qu'un éditeur, le site ne fournissant qu'un hébergement technique aux écrits des internautes. Rappelons que Wikipédia, et c'est son fondement, est organisé par les internautes qui participent au travail de rédaction des articles de l'encyclopédie. Wikimedia est en ce sens considéré comme un simple hébergeur et est donc soumis à la loi LCEN française, qui est la loi sur la confiance dans l'économie numérique, ce qui stipule qu'un prestataire technique n'a pas à surveiller les contenus qu'il accueille, mais qu'il doit en revanche supprimer tout contenu illicite. Reste que si Wikimedia enregistre les adresses IP de ses contributeurs, ceux-ci se retranchent de plus en plus souvent derrière des postes en accès libre, leur garantissant donc l'anonymat. C'est le tour des nouvelles cybercriminalistico-fantastiques. Internauta... techno... Flika... Ouais. C'est ça. En voilà. Fait, c'est des gens méchants qui font des choses méchantes sur l'univers de... des ondes... OK, non, je vais arrêter. Non, c'est ça, je pense qu'on devrait arrêter. Ouais, en fait, je déblatère un petit peu. Parlant de choses méchantes, okay, par des gens méchants, ouais, hein, je me permets de le dire, sur le site GameFAQs, on retrouve les gens qui ont le plus triché sur des jeux vidéo la semaine dernière, selon GameFAQs.com. Donc, en cinquième position, le jeu le plus triché, Final Fantasy XII sur la PlayStation 2. En quatrième, c'est Guitar Hero 3 sur la PlayStation 2. En troisième, c'est Halo 3 sur Xbox 360. En deuxième, c'est Zelda Phantom Hourglass sur la DS. Et en première, c'est Guitar Hero 3 sur Xbox 360. Ça en fait des jeux avec un 3 dedans et des chiffres. Hey, parlant de Guitar Hero, est-ce qu'on peut player un petit quelque chose? Hey, vas-y, ma chère Caroline. OK, Guitar Hero, un tournoi à la chasse-galerie pour tous ceux qui sont intéressés. Ça coûte 5$. C'est mercredi prochain, le 14, de 17h à 21h, si je ne me trompe pas. 16h à 21h. Ah, 16h. Ah bon, c'est quand même pas loin, hein? De mémoire, tout ça. Hein? Et c'est pas loin de vous, c'est bientôt, ça, c'est à la chasse-galerie. C'est bientôt, en espérant qu'il va y avoir du monde, ça va être trippant, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Je participerais si je n'étais pas aussi moche. Non, mais j'aimerais voir quand même. Essaie-toi au moins une fois. Non, c'est horrible. Ah, parce que c'est un tournoi, donc tu peux pas juste t'essayer. Ben, c'est ça, faut quand même gagner. Être bon. Donc, non, je m'essayerai pas. Mais pour ceux qui sont bons, j'en connais un qui est très bon, je vais aller l'encourager. Donc, si vous connaissez des gens, inscrivez-les. Je pense pas qu'il nous écoute de toute façon. Non, il vient pas à l'université, donc je crois pas qu'il nous écoute. Mais de toute façon, si vous connaissez des gens, poussez-les à venir jouer un peu de Guitar Hero, puis on va bien s'amuser à les encourager. On répète la date, c'est le 14 novembre de 16h à 21h, c'est à la chasse-galerie de l'université, et c'est présenté entre autres par CFOU 89.1 FM. Oui, alors venez tous en grand nombre. Et parlant de choses qui sont présentées par CFOU, à l'instant même en musique, voici Merry Go Round. À la connexion à CFOU 89.1 FM. Merry Go Round avec Jexio Siga. Avant de partir en pause, voici notre quiz musical de la semaine. Tu me dis souvent, Caroline, que c'est trop difficile, le quiz. Hein? Mais là, c'est un peu trop facile. Un petit peu trop. Ben, on dose. On essaie de doser un peu. Pour ceux qui connaissent la réponse, félicitez-vous d'avance. C'est ça, exactement. Petite tape dans le dos. Pour les autres, on vous donne la réponse après la pause. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Où ça? Ah, c'est fou, 89.1 FM. Dans vos oreilles. Juste avant la pause, on vous a demandé quelque chose de très très facile. Nommez le jeu duquel est tirée la pièce qui joue en ce moment. Encore quelques petites secondes pour y penser, on est fin avec ça. C'était une version extrêmement midi et oui. Cacane du thème de Halo sur la Xbox. Hein, c'était très midi, mais très reconnaissable. Je dirais, je ne suis pas une très, très grande connaisseuse. Je ne connais pas vraiment ouais. beaucoup les thèmes de jeu. Tous ceux qui l'ont reconnu aussi dans la maison, dans la voiture, parce que c'était pas difficile. C'était... C'est une bonne compensation pour les semaines précédentes que c'était pas toujours évident. Faut vous donner un nonos des fois. Hein? Un nonos. Un petit nonos. Ah, ben oui, c'est ça. Ça fait la connexion est présentée par Nico Vidéo et Univers Informatique. Au moins, j'essaye. C'est proche de marcher. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Il nous reste environ une demi-heure. Dans quelques secondes à peine, Caroline va nous parler de Phantom Hourglass. Nouveau Zelda sur la DS. Effectivement, mais avant... Avant, écrivons tous ensemble une lettre à un cow-boy. À la connexion, hein, c'est fou, 89 ans. FM. Projecteur, je t'écris une lettre avec mon cœur. Ce soir, ma vie n'a plus de chaleur. Mes yeux n'ont plus la même couleur. Depuis que je t'ai dit bye bye, on dirait que ma vie déraille. Y'a un mec qui te plaît. Y'a tout cela qui me déshabille. Les gens qui pensent, je ne pense pas. Les mots méchants, j'ai beaucoup de cas. Y'en a tellement dans une fille. Oh ouais, baby love, my love. Tu vois que tout est noir autour de toi. If you forget anything, I'll kill you. In fact, you're gonna have to work very hard to spare a knife link. Non mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? On comprend rien. Knife link. Oh non. Knife link. Oh non. Link, reste avec moi. Au fond comme des rodeos. Mais c'est moi qu'on prend au lasso. Ah, rappel. Ah, baby love, my love. Tu me fais toujours rêver. Baby love, my love. Tu me fais toujours bander. Tu jamais vraiment quitté. Tu me fais toujours bander. J'avais besoin d'entendre ta voix. DJ m'attend de fac. Lettre à un cow-boy. Ouais. Fini la crise de toune, t'as marqué. Oui, c'est fini, après c'est fini. Fini, mais c'est tout ce qui ne fait que commencer. Non. La critique de jeu. Nintendo DS. Attends, faut faire le bruit ensemble. Tidin. Et cette semaine, en critique sur Nintendo DS, Caroline nous parle du nouveau Zelda Phantom Hourglass. Oui, un jeu que je vous disais un peu plus tôt, j'ai eu la chance d'essayer depuis environ 2 semaines. En fait, je vous conte l'histoire rapidement, c'est que je l'ai acheté pour la fête à mon chum et j'avais hâte qu'il finisse de jouer pour pouvoir l'essayer. Donc, c'est comme un cadeau déguisé pour c'est moi-même. Comme Omar qui avait acheté une boule de bowling à Marge. Presque. Mais bon, il a quand même joué, donc j'ai laissé la chance de jouer avant vu que c'était son cadeau. Marge aussi, elle a joué, je pense, OK, avec un autre gars, par exemple. Ah bon, d'accord. Et alors, c'est ça. Zelda Phantom Hourglass, qui est un jeu que, à date, j'apprécie beaucoup. J'ai pas terminé, mais je trouve que ça fait un peu hommage à la série Zelda. Je vous explique. C'est que moi, j'ai connu la série Zelda avec Wind Waker. Oui, je l'ai connu très tard, je vous vraiment, l'avoue. Oui. Mais après Wind Waker, j'ai connu Ocarina of Time puis Majora's Mask. Et quand Twilight Princess est sorti sur la Wii, alors là, on a joué pendant environ 60 heures et j'ai vraiment trippé. Alors là, de pouvoir jouer à mon tour, parce qu'avant, j'étais plus une regardeuse qu'une joueuse vraiment. Et là, je joue et j'aime vraiment ça. En fait, si le jeu garde un peu c'est son style Wind Waker, avec on se promène sur le bateau entre les îles et tout ça. Il y a plusieurs items qui se retrouvent aussi dans tous les jeux de Zelda, là, le boomerang, l'arc et les flèches, les Est-ce bombes, que etc. Est-ce la petite torche avec une lumière dedans? Non. Non. Il n'y a pas la petite torche. Zut. Mais on peut allumer le feu avec le boomerang en passant d'une torche à l'autre. Bon. OK. Mais dans le fond, c'est des trucs qui se ressemblent beaucoup d'une série de Zelda à l'autre. Dans le fond, c'est une formule gagnante. Hein. On se lasse pas de non plus une formule qui marche bien. Donc, on continue dans le même style. Je vous dirais, il y a plusieurs mini-jeux, encore une fois, plusieurs énigmes, plusieurs... des puzzles et tout ça. Bon, je suis pas très patiente pour ça, généralement. Je me suis impatientée quelques fois à date. mais un truc que je dois dire que le jeu mérite vraiment, c'est qu'il utilise vraiment toutes les fonctions du DS. Bon, entre autres, s'il demande de souffler pour faire du vent, bon, ben, tu sais, il dit « A hero must blow on something ». Bon, OK, il faut comme que tu souffles sur, mettons, une hélice ou quelque chose. Mm-hmm. Ou ensuite, il dit que certains monstres ont les oreilles très sensibles, alors il faut crier pour tuer les monstres. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment cool. Et un truc que, bon, je dirais pas la réponse si vous n'avez pas encore essayé le jeu, vous n'êtes pas encore rendu là, ou si vous voulez l'essayer puis que vous voulez pas que je vous vende le punch, il y a un truc qui nous dit il faut appuyer une carte contre une autre. Et bon, là, je vous laisse penser un peu, mais il faut vraiment utiliser tout ce qui se fait avec un DS. Alors, essayez de penser un peu à qu'est-ce que ça peut être pour appuyer une carte contre une autre. Il va falloir fermer le DS, non? Voilà, bon, je voulais pas vous vendre. Écoute, moi, j'ai passé une dizaine de minutes, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, je pesais avec mon pouce, je faisais tout ce que je ne cachais vraiment pas. Mais j'aime ça, c'est vraiment intelligent comme oui, jeu. Oui, c'est vraiment intelligent, il y a plein de trucs, tu sais, comme que tu utilises un peu ton esprit, c'est pas juste de faire des trucs évidents. Oui, parfois, c'est assez évident de donner un bon indice pour faire le puzzle en question. Mais des fois, c'est vraiment pas clair. Faut comme tu te creuses les méninges, puis t'es tellement fier un coup, tu l'as trouvé. En tout cas, moi, c'est ça un peu qui fait que j'aime le jeu. Et bon, il y a encore une très bonne musique. J'ai toujours aimé la musique de Zelda. Ça change pas non plus. Ça ressemble encore au style de Wind Waker. C'est la même musique du petit monsieur dans son bateau qui vend des items quelconques. Il y a des trucs que j'ai pas vraiment vu l'intérêt à date dans le jeu. Peut-être juste parce que je suis pas encore rendue assez loin. Mais comme il nous donne plein de pièces de bateau pour, dans le fond, pimper notre bateau. Mais, dans le fond, la seule utilité, c'est que quand on a toutes les mêmes parties de la même collection, ben, notre bateau a plus d'énergie. Mais c'est parce que c'est pas évident de trouver toutes les parties non plus. Puis, bon, c'est pas nécessairement utile ou nécessaire non plus. Puis, on peut aussi collectionner des gems, je sais pas comment dire en français, des genres de bijoux. Mais bon, ça aussi, ça peut nous aider dans notre... Ils disent que ça va nous aider dans notre campagne. Bon, qu'est-ce que ça fait encore? Je suis peut-être juste pas rendu là, mais là, j'en ai tout plein, puis ça m'a servi à rien. Mais généralement... C'est ça. Mais généralement, le jeu est vraiment le fun si ça vous tente d'essayer un jeu sur portable. En fait, moi, je trouve que c'est génial parce que, de toute façon, je suis une fan de la DS. Ouais. Jouer partout où on veut, déjà, en partant, je trouve ça vraiment génial. J'aime les fonctionnalités et le jeu exploite vraiment toutes ces fonctions-là. Alors, je trouve vraiment le fun et je vous conseille ma cote. Certainement un 9 sur 10. Bon. Et j'ai pas encore terminé. Alors, vraiment à essayer. Pour tous ceux qui trippent sur la série, vous allez aimer ça, c'est certain. Ça m'intéresse, j'ai hâte de jouer à ça. Fate of Hourglass. Donc, Legend of Zelda Fate of Hourglass, c'est édité par Nintendo, développé par Nintendo en genre action-aventure pour deux joueurs. C'est coté E pour tous selon le SRB. C'est sorti le 1er octobre 2007. Les votes basés sur 64 votes de la communauté, la cote est de 82 sur 100. Alors que selon 44 critiques, disons, reconnues partout dans le monde, la note est de 90, donc acclamée par la critique. C'est sur Metascore, sur metacritic.com. Le jeu s'appelle Legend of Zelda Phantom Hourglass et c'est sur le DS. Voilà, je suis quand même assez... c'est juste dans ma cote. Hein. J'ai donné un 9 juste. Sur 10, il donne un 90. Donc, je me félicite. Une petite patte dans le dos encore une fois. Bravo, Caroline. Ben merci. Et bravo à vous de rester à l'écoute parce que de retour, on parle entre autres des nouveautés en magasin et un petit peu de Mac OS X Leopard. On va faire ça dans un blitz d'information de 15 minutes. Mais tout de suite, voici Stars et Bitches in Tokyo. You can ride my place out of the life you made. It mattered when you knew my face. Cross off all the ways I failed you, 'cause I failed you. But I'm still in your blood, you're still in my still crumble at my name. You still crumble. Tellement le fun. Guitar Hero. Ça se galerie 14 novembre. Ça va être génial. Un excellent spectacle et un excellent divertissement. Tout le monde va être là. J'ai bien hâte. Sérieusement, là, c'est dans 9 jours. J'ai vraiment hâte. Ça va être cool. Oui. Aussi cool que Stars avec Bitches in Tokyo de leur album In Our Bedroom After the War. Maintenant, regardons un petit peu les nouveautés en magasin cette semaine. Si ça vous va, allons-y tout de pas comme ça. Tout de pas. Ça se dit-tu ça? Je sais pas. Non, mais c'est pas grave. J'invente, maintenant ça existe. Tout de go, je pense que ça se dit. Mais... De go? Ouais. Tu l'as entendu ça? Oui, oui. Mais oui. Tout de go, ouais. Ok, tout de go. Mais c'est genre un anglicisme francisé. Mais c'est pas très beau, là, mais je pense que ça se dit. Sur multiplateformes, on retrouve sur DS, PS3, PC et 360, Call of Duty 4, Modern Warfare, très attendu. Lego Star Wars, même chose, The Complete Saga sur DS, PS3, Wii et 360. Power Rangers Super Legends sur GameCube, PC et PS2. Hot Wheels Beat That sur DS et PC. Blade Storm, The 100 Years War sur PS3 et Xbox 360. World Series of Poker 08, Battle for the Bracelets sur DS et PSP. My World Coach sur DS et Wii. Et Cabela's Big Game Hunter 2008 sur PS2 et Xbox 360. Sur DS, on se déboule ça. Shrek, Ogres and Drunkies, My French Coach, Enchanted, Life Science Surgical Unit, Horse Life, Antamarama, My Spanish Coach, Build-A-Bear, Puzzle, The Harvest Moon, Panzer Tactics DS, Dragon Quest Monsters Joker, My Pet Dolphin, Breath for Real, Indy 500 et Left Brain, Right Brain. Est-ce que j'ai compris Breath for Real? Oui, for real. Et non pas for real, 4 real. Ok, ouais. Chiffre 4. Ouais. Sur Game Advance, The B-Game. On est un petit peu tanné d'entendre parler du film B-Movie. Ça va faire à un moment donné. Sur PC, je les saute. Je vais vous laisser lire sur l'article du unechance.com. Sur PlayStation 2, Aqua Teen Hunger Force Zombie Ninja Pro-Am. Yu-Gi-Oh! The Beginning of Destiny. sur PlayStation 3, Blazing Angels 2, Secret Missions of World War II, sur PSP, The Simpsons Game, SOCOM US Navy SEALs Tactical Strike, Silent Hill Origins et Hans Free 10K Honda SBK 07 Superbike World Championship. Prends ton souffle. Sur la Nintendo Wii, Fire Emblem Radiant Dawn, Anna Montana, Spotlight World Tour, ouais. Agatha Christie, And Then There Were None, Octomania, B-Movie Game et Mario & Sonic at the Olympic Games. Oui, c'est cette semaine. Oh oui, oui. Faut que tu m'en parles, ça fait-tu le louer au moins? Ouais, je vais aller louer certainement en fin de semaine, donc je pourrais vous en parler lundi prochain. Magnifique, et fais pas de promesses, par exemple. Moi, c'est ça, je peux pas faire de promesses, et puis si je le fais pas, ben tu me tapes pas sur les doigts. D'accord, je fais ça, ça va me faire plaisir. Et sur Xbox 360, Scene It, Lights, Camera, Action et Fear Files. Sur le PlayStation Store, rapidement, Time Shift et Need for Speed Pro Street sont en démo. Sur le Xbox Live Arcade, on retrouve ensuite Mutant Storm Reloaded. Sur la Virtual Console, on a entre autres Samurai Ghost, Castlevania 2, Simon's Quest et Magician Lord. Rock Band va être apparemment un objet rare. Donc si c'est le gars de EA qui dit que le 19 novembre, faudrait peut-être faire la file parce qu'il risque pas d'avoir beaucoup de copies de Rock Band. Et c'est cher, hein? J'ai l'impression que c'est comme 200$, c'est vraiment pas donné. Mais c'est sûr que t'as tous les instruments qui viennent avec, là. Mais moi, je me dis, il faut que tu flippes à 4 pour acheter ça. c'est un jeu de band, hein? Ah, faites-donc un vrai band dans la place. Mais tu joues à 4. Donc pourquoi il y a juste une personne qui aurait à payer 200$? Toi, tu joues gratuitement. Fait qu'à ça, achète-la à 4. Tout à fait vrai. C'est vrai. Partagez-le comme un enfant. C'est mon conseil du jour. Achetez Rock Band à 4. Et une bonne nouvelle pour les fans de Manhunt 2. Alors que le développement mouvementé du jeu avait fait couler beaucoup d'encre, le jeu est maintenant sous une forme censurée, prêt à être livré au public nord-américain avec la cote mature. Donc le jeu a dû être révisé par Rockstar, mais c'est disponible sur PlayStation 2, PSP et sur la Wii de Nintendo en ce moment même. Les jeux les plus loués la semaine dernière au Super Club Vidéotron, en troisième, c'est Project Gotham Racing 4 sur la 360. En deuxième, c'est NHL 08 sur la 360. Et en première, c'est Halo 3 sur la 360. Parlons un petit peu rapidement du record de vente de Leopard d'Apple. C'est vendu déjà à plus de 2 millions d'exemplaires depuis le lancement le 26 octobre et ça, l'article date du 30, donc c'était en 4 jours seulement. Les ventes pour la première fin de semaine ont été largement supérieures à celles de OS 10.4 Tiger, qui avait été à l'époque le plus grand succès commercial pour un OS signé d'Apple. Et suite à la diffusion de résultats encourageants, Steve Jobs a prédit un brillant avenir à Leopard grâce à ses nombreuses fonctionnalités qui ont récolté de très bonnes critiques. Bien que fonctionnant exclusivement sur Mac, les utilisateurs du forum OS X86 auraient trouvé un moyen d'installer l'OS sur des PC. Sauf qu'ils ont affirmé que certaines fonctionnalités comme les connexions Wi-Fi ne pouvaient pas être utilisées correctement. L'article, encore une fois, date du 30 octobre. Il y a aussi sur le site unechance.com des articles par rapport à macOS 10.5 Leopard, par rapport à l'installation justement sur PC, déjà possible. Il y a un article là-dessus de Cubic.com et apparemment que certains ont eu des écrans bleus de la mort sur Leopard. Donc, petit clin d'œil à ceux qui aiment bien chialer contre les Mac. Voilà un argument de plus pour vous. Hein? Pourquoi pas? J'ai posté aussi sur le site quelques nouvelles de gens stupides qui ont fait des choses stupides. On parle d'une ville à vendre en ligne. Tiens, pourquoi ne pas en parler rapidement? Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. J'aime toujours les choses insolites. Bien sûr. Donc, à vendre, un paisible hameau du Texas du nom d'Albert. Prix minimum accepté, 2,5 millions de dollars sur le site eBay. Ouh. Donc, Bobby Cave, le propriétaire de cette ville qui n'en est pas officiellement une et ne compte aucun résident permanent, a dépensé des milliers de dollars pour la restaurer. Albert s'étend sur 5 hectares à 80 km au nord de San Antonio. Selon un ami de Cave, la localité fondée à la fin du 19e siècle peut être considérée comme une ville ou au moins comme une ancienne ville car il y a autrefois eu un bureau de poste. La taverne créée par Cave, un agent immobilier dans l'ancien magasin du village, est ouverte le week-end. On trouve également à Albert les toilettes publiques les plus propres du Texas. Après une semaine, les enchères qui seront closes le 23 novembre prochain atteignaient 300 000 $, une somme encore très en deçà du prix minimum de 2,5 millions de $ fixé par Cave pour céder Albert. La mise aux enchères d'une ville entière est très rare, mais il y a déjà eu un précédent sur eBay. On a parlé de Bridgeville, une localité de 33 hectares en Californie, qui a été vendue deux fois sur le site en 2002, mais l'accord a capoté puis à nouveau l'an dernier. Donc. J'adore l'idée de vendre une ville. C'est comme vraiment anodin. Ouais. C'est vraiment pour le truc qu'on peut penser qui peut arriver, mais vendre une ville. En plus, avec les toilettes les plus propres de l'État, ça, c'est quelque chose. Hein? C'est l'argument de vente principal, c'est vraiment les toilettes les plus propres. Venez à Albert, on a des belles toilettes propres. Achetez Albert encore plus pour leurs belles toilettes propres. Achetez-nous pour nos toilettes. c'est un bel argument de vente, j'ai bien hâte de voir ça. Et pour la belle taverne ouverte dimanche. Absolument. Voilà, donc ça c'est pour ça, tiens. Parlons un petit peu, tiens. J'aime ça prendre le temps de faire les choses comme il faut, quand on le peut, hein, pourquoi pas. Voici quelques gadgets. Gadget au chapeau. Gadget au poing. Michael Gadget. Donc, comme toujours, Caroline, dans la section Go Go Gadget, je vais essayer de t'impressionner. Impressionne-moi. J'adore les petits gadgets que je trouve souvent inutiles, mais j'aime bien entendre parler de toute façon. Alors, vas-y. Parlant de choses inutiles. Oui. Hein, faisons des liens. Comme d'accord. Ça. On commence par une genre de manège de ronde USB qui tourne. Ça, il y a des cages qui tournent en rond, un Ferris wheel, comme on appelle une grande roue. Donc, voilà, c'est le USB Ferris wheel. Ça coûte 27 $. Donc, ça dit ici que c'est dans le fond, le principe, c'est que la roue tourne quand un appel téléphonique est reçu sur le petit socle, d'accord? D'accord. Dans le fond, c'est la roue tourne lorsque l'appel est reçu. Je sais pas comment ça fonctionne exactement parce que ça dit pas que ça synchronise avec le téléphone ni rien. Ça doit être pour utiliser, j'imagine, avec un service de VoIP ou quelque chose du genre. Mais si vous avez la place pour ce genre de gadget, on voit ici un genre d'appareil à la forme avec la grande roue. Ben voilà, ça coûte 27 $. C'est via Coolest Gadgets. Via ogizmo.com. Est-ce le que prochain, c'est beau? C'est très joli, c'est très coloré aussi. Mais en fait, c'est une belle décoration. Oui. C'est inutile, mais ça décore. C'est mieux que le petit scanner électronique de la semaine dernière, de 2 semaines dans le bain. J'ai vraiment trouvé ça vraiment ridicule. On pourrait dire que c'est joindre l'inutile à l'agréable. OK, ouais. Bel adage. Dans celui-là, par contre, le prochain, on pourrait joindre l'utile à l'agréable. Pour vrai, c'est un aspirateur USB. Hein? Voilà. C'est une... Un aspirateur USB avec les accessoires USB les plus inutiles. OK. Vive l'USB quand même. Il y a beaucoup de trucs USB, comme le truc qui réchauffe ou qui refroidit les sièges. L'USB est vraiment partout dans les nouvelles technologies inutiles. Donc, ça coûte ça coûte 34 $. J'imagine que c'est un petit aspirateur. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, les détails sont pas très nombreux. Ça dit que l'aspirateur USB est le plus utile des accessoires USB inutiles. Voilà. C'est via 7 Gadgets sur Ogizmo. Ensuite, je vais en sortir quelques-uns. Ah, celui-là, c'est vraiment utile. Par contre, ça, tu vas l'aimer, je pense, celui-là. Tu vas être impressionné. Okay. C'est un cartable à CD, d'accord? Il y a de la place pour en mettre 20 CD dans le cartable, OK? Mm-hmm. Et quand tu tournes la page, ça va te dire les CD qu'il y a dedans. Comme ça, quand tu conduis, tu n'as pas d'accident. OK. Hein? Sauf que il reconnaît pas les CD. Il faut que tu lui dises toi-même. Donc, tu tournes la page, tu mets tes CD au bon endroit, tu dis le nom. Et tu l'enregistres, et puis comme ça, dans ton auto, tu vas pouvoir tourner la page et avoir le nom. Mais il faut que tu te rappelles de mettre les CD dans la bonne enveloppe, sinon ouais, ça va être tout. Oui, c'est ça, parce que sinon, il va te dire, voici tes CD, tu le prends, et c'est pas ce bon CD-là. Ce serait pas chic-chic du tout, ça. Donc, ça vaut 48 $, c'est le Voice Recording CD Album via Nerd Approved. Et le dernier, finalement, le plus inutile, selon moi, ça s'appelle Zero Gravity. D'accord. C'est disponible pour Le Dindon. Le Dindon, c'est le site web qui l'offre pour 25 $. Ce que c'est, dans le fond, c'est un support à télécommande. Tu accroches ça sur à ton plafond. C'est un genre de ressort de plastique. Tu attaches la manette après. Tu prends ta manette, tu sais, quand t'en as besoin. Tu fais ton affaire dessus. Et là, tu lâches, il va rebondir dans les airs et rester en suspension dans les airs. Et tu fais comment pour aller le reprendre ensuite? C'est rendu au plafond? Ben, il n'est pas rendu au plafond. On s'entend que le ressort est assez proche de toi pour que tu puisses le ramener proche de toi pour tirer dessus, contrôler et puis ensuite la lâcher. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est ça. C'est le dernier gadget. T'as pas tellement impressionné, celle-là? Hein? Non, mais c'est pas grave. Tu me pardonnes? Mais écoute, je te pardonne. Je trouve ça vraiment très drôle de connaître les idées assez farfelues des gens qui inventent ces gadgets-là. Aucune idée où est-ce qu'ils prennent leur inspiration parce qu'ils savent qu'ils s'en serviront pas. Et voilà. Mais qu'eux-mêmes vont s'en servir, mais que personne d'autre va s'intéresser et les vendre à des prix... Dérisoire, ouais, voilà. Mais dans le mauvais sens. Donc voilà qui fait le tour des gadgets. Et changeons très brusquement de chronique pour regarder ce qui se passe cette semaine autour du net. Oui! Autour du net cette semaine, tiens, quelques vidéos, des vidéoclips parodies de la Nintendo Wii. Donc on transforme par exemple des vidéoclips comme celui de Amy Winehouse, Rehab, en Wehab. OK, hein, ouais. Donc c'est vraiment juste des parodies de vidéos. Je vais vous laisser aller voir ça. Il y a Wehab et puis Buy Me a Wii. Qui est un autre qui est une parodie de T-Pain avec Buy You a Drink. C'est très très chic. Buy Me a Wii. C'est ridicule. Tiens, la démo de Wii Fit par Shigeru Miyamoto lors de la dernière conférence de Nintendo au Japon. Wii Fit, c'est le nouveau jeu d'exercice de la Wii. Ça excite bien des gens. Mais c'est très excitant, mais encore là, est-ce que je me vois mal faire des push-ups ou faire du yoga sur ma Wii? Je pense que je me tannerais vite, mais je trouve ça cool comme concept. Mais tu te mettrais encore plus en forme. Pas que t'en as besoin, mais quand même. Ben écoute, pas certaine, mais c'est cool pareil. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec la mise en forme avec une console de jeux vidéo, moi. Assez pour l'acheter? Ça va dépendre du prix. C'est ça, moi je pense que ça va dépendre du prix, mais en même temps, c'est un, tu payes une seule fois, alors que tu sais, être membre d'un gym, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher. Ah, c'est plus vrai. Efficace. C'est vrai. En même temps, c'est moins divertissant. Et le dernier, c'est un super costume d'Halloween d'un gars qui s'est déguisé en vidéo sur YouTube. Donc le gars, dans le fond, s'est découpé un gros carton avec une fenêtre pour mettre sa face. Et en haut, c'est écrit le titre d'une vidéo. Tu vois les graphiques de, pareil comme sur YouTube et même des commentaires. Donc c'est très très beau à voir, très beau costume. Je crois que j'aurais dû faire ça. Costume très techno, très in, j'adore moi aussi. Très geek, j'adore ça. Et finalement, tiens, sur le site, j'ai passé quelques jeux pour le bureau et quelques vidéos qu'on n'aura pas le temps de regarder malheureusement, mais dans le blog, en attendant en vlog, allez voir sur le site, on peut parler entre autres d'une parodie d'un vidéo pour réparer un CD dans le micro-ondes. C'est une parodie, c'est très très très drôle. C'est fait un petit peu comme les vidéos qu'on voit, les how-to qu'on retrouve sur Internet, c'est de comment bon nettoyer un CD avec une brosse à dents, mais là c'est une connerie ça. C'est bon. C'est vraiment génial. Voilà qui est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme toujours, on vous retrouve lundi prochain en direct à 11h et en rediffusion jeudi à 11h. Hein? Caroline, merci. Écoute, ça me fait plaisir. Merci à toi de nous remplir l'esprit de choses si intéressantes. Tellement, tellement de choses à dire, si peu de temps. Allez voir lunechance.com pour la balado-diffusion et les liens de l'émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve aussi à La Chance au coureur et dans les palmarès, c'est fou. Caroline vous retrouve à Bio-Rock les lundis soirs à 18h. Oui, ce soir, c'est Arcade Fire. Oh, donc, yeah. Rejoignez-nous, c'est l'anglo du mois. Ouais, rock, l'anglo du mois d'Arcade Fire ce soir à Bio-Rock. Jusqu'à la semaine prochaine, de la part de Caroline Cloutier et de toute l'équipe fictive de la collection Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Dash, dot, dash, dot, dash, dot, Tom.